Qu'une macaque qui n'est autre que le meilleur ami que fesse de babouin, je crois, en tout cas, hein, c'est ça. Grâce à qu'une macaque qui nous donne de temps en temps des nouvelles de Gérard, qui nous en donne plus du tout. Gérard, qui est donc parti aux États-Unis, on a eu des nouvelles grâce à toi. Il nous envoie. Ouais. Toi, tu le connais un peu et il t'envoie du courrier. Bah, moi, je le connais bien, tout à fait. Il m'envoie du courrier à peu près une à deux fois par semaine, quand même, pour me tenir au courant. Et effectivement, bah, il bouge beaucoup. Hein. On l'a trouvé à New York, on l'avait vu au Canada aussi la dernière fois, je ne sais pas si tu te souviens. Ouais, tout à fait, ouais. Et apparemment, bah, il a encore rebougé. J'ai reçu une lettre. Hein. Ouais, quelles sont les dernières nouvelles? Alors, écoute, je vais te lire la lettre, hein, comme d'habitude. Tu vas voir les news par toi-même, donc ça commence comme d'habitude, mon pote. Comme prévu, je t'écris pour te donner des nouvelles. J'espère que de ton côté tout va bien. Pour nous, tout va pour le mieux. J'ai abandonné mon idée d'écrire un livre. Je sais pas si tu te souviens, il voulait écrire un livre la dernière fois. Il avait oublié qu'il savait pas écrire, quoi. Voilà, tout à fait. Donc j'ai abandonné mon idée d'écrire un livre. On a refait nos bagages. On a repris la route avec Christine, donc son nouvel amour. Son renouvel amour. Après le Canada et le Grand Nord, on est parti direction plein sud. On est donc actuellement au Pérou. Dans la cordillère des Andes. Donc tu vois, il a encore bougé complètement, il a changé de direction totale. Ah oui, légèrement, oui, il a un peu bougé, oui. Donc voilà, il dit, ici on s'éclate, on a un petit peu de mal avec la langue, mais les gens nous ont vraiment accueillis à bras ouverts. J'ai même réussi à trouver un petit boulot en tant que branleur de lama crasher, donc tu vois. Ça rapporte bien et pour moi c'est facile avec l'entraînement que j'ai, tu vois là. Tout ça, il me dit qu'il a quand même mal au poignet, des cales aux mains. Christine de son côté prend des cours d'ocarina. C'est la petite flûte là. Absolument, voilà. Ouais. Elle progresse super vite car elle a l'habitude de mettre des trucs à la bouche. Je vais lui faire faire un album de remix techno à l'ocarina histoire de faire un peu d'argent. Ça sera toujours moins de taf que d'écrire un livre, voilà. Il me dit aussi, je vais aussi sûrement monter un petit business de bonnet péruvien. Je suis sûr que je peux cartonner dans la haute couture. J'ai même des contacts avec Mito Rabban. Mito Rabban, voilà. Donc en attendant, on roule pas sur l'or. Alors on est hébergé dans l'étape d'un hôpital avec des bouquetins des Andes. Je te raconte pas l'odeur, c'est tellement insoutenable que les bouquetins se sont barrés avec le museau en feu. Du coup, on a plus de place pour rouler avec Christine, tant mieux. Il me donne sa nouvelle adresse, donc c'est Gérard Cousine, avec l'accent. Ah, Gérard Cousin, ouais. Gérard Cousine, voilà, ouais. Hôpital Ricky Martin, bergerie 3, et puis Vamos à la gauche. Ah, parce qu'en ce moment, il est dans une bergerie. Ah, il est dans une bergerie, dans un hôpital. D'accord, comme là, d'accord, ok, ouais. Voilà, ça s'arrange pas. Donc, bergerie 3, Vamos à la gauche. Mais avec sa grosse, il paye pour 2 ou pour 3? Ah non, à mon avis, c'est du gratos. Ah, c'est du gratos. C'est l'assistance publique de là-bas, je pense, hein, a priori, la vie démerdée, quoi. Et puis bah, ensuite, il vous passe le bonjour, donc passe le bonjour à mes potes de fun. C'est notre pote, bien sûr. Ah, mes potes de fun. Hein, donc toi, tu peux lui écrire? Ah bah écoute, moi je peux essayer de lui envoyer du courrier à cette adresse, comme tout le monde d'ailleurs. Hein, mais ce que je voulais dire, donc toi tu peux lui écrire, c'est ça en deux mots? Bah oui, mais il bouge tous les 3-4 jours. C'est pas grave, mais enfin, si tu lui envoies un courrier, la prochaine fois, pense bien lui demander pourquoi du jour au lendemain il nous a plus donné de nouvelles et pourquoi il a laissé tomber apparemment, d'après ce que j'ai entendu dire, Sandy, qu'il l'a laissé choix à qu'est-ce qu'elle devient, Sandy, et lui, pourquoi il a voulu retourner avec Christine. Ok, d'accord. Bah, si tu peux lui écrire, lui demander ça de ma part pour qu'il nous tienne au courant en direct à la radio. Y a pas de souci, d'accord. Bah écoute, je lui passe l'info, hein, sans problème. Puis qu'il nous donne la réponse, quoi. Bah écoute, hein, on fait merci ça, encore qu'une macaque. Ça roule, pas de problème. Tiens, bonne bourre. À plus, merci d'avoir appelé.